Mes chers amis, bonjour. Je vous ai toujours promis de parler de choses qui ne soient pas tristes. Cositas alegres. Bouf. A ver, donde encontramos cositas alegres en nuestros días. Une nouvelle qui ne soit pas triste. Bouf. Quand on ouvre les magazines, les journaux, on ne voit que de la crise. La crise sous toutes ses coutures. Et comme je vous avais promis de vous parler de choses gaies, ben on va parler de choses et d'autres. Des cosillas. Vamos a ver cositas sin importancia. Bueno. En Francia, solemos decir que on a pas de pétrole, mais on a des idées. Eso es una frase que no, en Francia no tenemos petróleo, pero sí tenemos ideas. Cette phrase, elle nous est venue d'une campagne publicitaire au milieu des années 70, à l'occasion du premier choc pétrolier. Et alors, en France, mais nous avions un peu de pétrole. Sí, teníamos un poquitín de petróleo. Pues tuvimos en el Magreb, claro, pero ya no era nuestro. Bon, donc on n'avait plus de pétrole de ce côté-là. Mais nous avions du pétrole du côté de Lac, par exemple, dans la zone des Pyrénées. Mais ce pétrole, évidemment, c'était une toute petite nappe, donc elle n'a pas duré très très longtemps. Si bien qu'on n'a plus de pétrole, mais l'expression nous est restée. Alors c'est assez drôle parce qu'en français, on peut l'utiliser de différentes manières. Hay variantes para utilizarla, según los contextos. Por ejemplo, en France, on n'a pas de pétrole, mais on peut avoir des idées. Podemos tener ideas, les sceptiques. Les personnes pessimistes, elles vous diront, en France, on n'a pas de pétrole, mais encore moins des idées. Bon, vraiment, ça c'est dur, dur. Otra variante. La France n'a toujours pas de pétrole, mais elle n'a pas beaucoup d'idées. Encore des personnes très, très pessimistes. Et puis, quand on parle d'autres, on peut aussi l'appliquer à l'extérieur. Eux, ils n'ont pas d'idées, mais ils ont du pétrole. Ça, c'est méchant. C'est dit à l'intention d'eux et d'eux. Bon. En France, on n'a pas beaucoup de pétrole, mais on a encore beaucoup d'idées. Je vous le donne en mille. Qui a dit ça? Pues nada, la empresa Total, que es la empresa que se dedica que tiene el monopolio de las gasolinas y los productos petrolíferos en Francia. En Francia no tenemos mucho petróleo, se supone que tenemos, pero todavía tenemos algunas ideas, muchas. Et quelqu'un a dit, en France, on n'a pas de pétrole, mais heureusement, moi. Mais il a peut-être raison, parce que si on regarde bien la carte du monde, on s'aperçoit que tous les endroits où surgit le pétrole, ben, y a des problèmes, il y a des guerres. Alors finalement, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'ait pas de pétrole. Bon, mais restons avec nos idées. Alors, une idée, par exemple, j'ai trouvé ça en lisant comme ça, puis je vous raconte ça à votre intention. Une idée expérimentale, un experimento. Une crèche ambulante, una guardería ambulante. Mais voilà, c'est une guardería ambulante, pero bueno, ¿qué es eso? Eh bien, c'est une idée qui est née en France et qui consiste à faire partager une crèche, una guardería, entre plusieurs villages qui n'ont pas les moyens d'investir à eux seuls dans ce type de structure. Bon, eh bien, c'est une idée qui est née en 2007 au nord de Paris. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, chaque jour, la garderie, c'est plutôt, disons, une halte garderie. C'est-à-dire, c'est quelque chose de temporaire. Ce n'est pas tous les jours. Hein. La garderie, donc, itinérante, la crèche itinérante, s'installe chaque jour dans un des cinq villages qui participent à l'opération. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, une douzaine d'enfants du village, des enfants petits bien sûr, sont accueillis par des éducateurs professionnels dans une salle communale. C'est-à-dire que le village, met à la disposition de ses organisateurs une salle dans laquelle ils vont s'installer pour recevoir les enfants. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à donner du temps aux parents, le temps qu'ils aillent, par exemple, chez le médecin ou qu'ils aillent à la piscine, pourquoi pas? Les mamans, elles ont le droit aussi de se reposer un petit peu de temps en temps. Alors, elles laissent l'enfant à la garderie ambulante et puis elles s'en vont tranquillement à la piscine avec les mamans d'autres enfants. Vous voyez, c'est une bonne manière de se poser la vie. C'est très intéressant. Et alors donc, cette crèche ambulante, eh bien, comment ça se présente? C'est un petit peu comme ce qu'on a en Espagne, le bibliobus, hein, qui va de village en village apporter la lecture aux gens. Eh bien là, c'est un ensemble de camionnettes qui transportent quotidiennement tous les jouets et tous les équipements nécessaires pour prendre soin des petits et pour les distraire, pour les occuper, pour leur faire faire des activités ludiques, mais aussi éducatives. Voilà. Et c'est un franc succès, c'est un véritable succès. Alors la crèche, dès les premiers jours, eh bien, elle a fait le plein. Lieno la guardería. Hein? Alors évidemment, le principe est un petit peu complexe, mais enfin, disons que c'est une possibilité à étudier et peut-être à transposer, pourquoi pas. Dans d'autres pays, il y a aussi des mamans qui ont peut-être envie d'avoir un petit peu de repos, un peu de répit. Le principe est un peu complexe, évidemment, parce qu'il faut qu'ils mettent d'accord non seulement la mairie, mais aussi la caisse des allocations familiales qui existe en France, qui n'existe pas ici en Espagne, mais disons que c'est une caisse avec des ressources sociales qui sont appliquées aux activités sociales, et aussi le Conseil général, qui serait donc la région, hein, le Consejo de la Región. Vous voyez, donc en fait, c'est une initiative qui fait intervenir les municipalités, los ayuntamientos, la región, l'autonomía, et puis tous les fonds sociaux qui pourraient être, par exemple, les fonds locaux, par exemple, des provinces. Et alors, donc, étant donné que c'est un franc succès, eh bien, l'idée va être développée ailleurs. Et le fondateur est extrêmement content. Il espère propager son idée, vendre son idée, disons, parce qu'il doit prendre un petit pourcentage au passage, mais bon, la création d'emplois en ce moment, c'est tout à fait permis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce monsieur qui s'appelle Arnaud Maigre, eh bien, on va lui souhaiter bonne chance. Voilà. Eh bien, on va écouter une petite chanson. Hein, vous avez certainement aimé une petite chanson de Charles Aznavour. Allez, on va demander à la régie de nous l'envoyer. Merci. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où triste et solitaire, en soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge, où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri, et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, ô combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse. Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime, le jour où il viendra. Ah, qu'il est émouvant ce Charles Aznavour. Eh bien, puisque nous sommes dans les enfants, une autre petite anecdote que je vous raconte. Dans les écoles, en France, eh bien, on essaie de s'occuper des enfants correctement, non seulement pour leur éducation et pour l'enseignement, mais aussi pour d'autres choses. Alors, il y a des activités qui correspondraient un petit peu à ces histoires de « Buena educación para la ciudadanía hein, », des choses comme ça, qui ressemblent fort d'ailleurs à ce que j'avais moi quand j'étais à l'école. Moi, quand j'étais à l'école, je me souviens parfaitement, oh, c'était dans les années 50, vous vous rendez compte, je suis vieille, ouh là là, c'est vieux, vieux, vieux tout ça, « Qué lejos todo eso, los años 50 ». Pues nos venían dos o tres veces a la semana con un vaso de leche. Et il fallait avaler le verre de lait. Alors on avait constaté que les enfants qui étaient nés juste après la guerre, surtout dans les grandes villes, présentaient des déficiences osseuses certainement, et des déficiences de tout genre. Il y avait certainement des enfants qui ne mangeaient pas toujours à leur faim. Donc le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec les écoles, c'est-à-dire les caisses des écoles et puis les municipalités et les écoles elles-mêmes, donc nous offraient une distribution de lait. Il fallait boire le lait. Et moi qui avais horreur du lait, alors l'une fois je renversais le verre, l'autre fois j'essayais de le faire tomber quelque part, l'autre fois je le donnais à une voisine, une amie, une camarade, enfin j'essayais de me défaire du verre de lait comme je pouvais, parce que vraiment j'avais beaucoup de mal à avaler le verre de lait. Bon. Eh bien, maintenant, en 2007, on a inventé autre chose. Voilà qu'on va donner aux enfants des fruits à la récréation. On sait bien sûr que pour être en bonne santé, il faut manger des fruits, au moins, et des légumes aussi, mais les enfants n'aiment pas trop, bien sûr, ça on sait. Il faut manger des fruits au moins 5 fois par jour. Alors, comme le principe est entendu, mais qu'il n'est pas toujours bien appliqué, parce que dans les familles, on ne pense pas toujours à faire le calcul, eh bien, entre le ministre de l'Agriculture, qui s'appelle Michel Barnier, et le ministère de l'Éducation nationale, et aussi les communes, les municipalités, eh bien, toutes ces hautes autorités ont décidé d'agir sur le terrain. Et donc, à la rentrée, on a vu apparaître une nouvelle pratique qui consiste à distribuer des fruits dans 1000 écoles... Dans 1000 écoles primaires et maternelles de zones un petit peu défavorisées, qu'on appelle en français les ZEP. Alors, l'opération est financée à 50% par le ministère de l'Agriculture et les 50% qui restent est à la charge des municipalités. Donc, un appel à candidature a été lancé de façon à ce que les mairies puissent faire savoir si elles étaient partantes ou pas. Et à partir du mois d'octobre, on a donc eu un certain nombre de mairies qui se sont portées volontaires pour mettre en place cette opération. 200 mairies, parmi lesquelles Bordeaux, Nancy et Créteil, donc de très grosses villes qui participent à cette opération. On a calculé le coût approximatif de cette distribution à 4,50 euros par élève pour la distribution d'un fruit par semaine pendant l'année scolaire. C'est un fruit par semaine, c'est pas beaucoup, mais enfin, les enfants qui n'ont pas trop l'habitude de manger des fruits, eh bien au moins une fois par semaine, ils mangent des fruits. Et ça s'appelle, l'opération s'appelle « Un fruit pour la récré ». À la récré, donc, on mange un fruit. Donc, les municipalités vont être obligées, bien sûr, de mettre la main à la poche. Et on espère que cette opération sera généralisée dans le reste de la France et dans toute l'Europe. C'est une bonne chose pour les pays qui produisent des fruits, n'est-ce pas ? Une très très bonne idée. Pour ceux qui n'en produisent pas, l'idée n'est peut-être pas si bonne, mais les fruits, c'est si bon. Allez, mes chers amis, je vous quitte. À la semaine prochaine. Au revoir.